Chapitre 7. Comment cela arriva-t-il, on ne saurait le dire, car cela se produisit insensiblement, peu à peu, et sans qu'on le remarquât, mais il advint que le troisième mois de la maladie d'Ivan Ilitch, sa femme, sa fille, son fils, ses domestiques, ses amis, son médecin, et surtout lui-même, savaient que tout l'intérêt qu'il éveillait se ramenait à cette seule question. Quand enfin fera-t-il de la place? Quand débarrasserait-il les vivants de sa personne gênante et serait-il lui-même délivré de ses souffrances? Il dormait de moins en moins. On lui donnait de l'opium et des injections de morphine, mais rien ne le soulageait. L'état de langueur dans lequel il tombait pendant ces périodes de demi-assoupissement, les premiers temps étaient pour lui un soulagement, mais bientôt le mal devint plus aigu. Conformément aux prescriptions du médecin, on lui préparait des aliments spéciaux qu'il trouvait de plus en plus mauvais et de plus en plus écœurants. Pour ses selles, on avait pris également des dispositions spéciales et chaque fois, c'était pour lui une nouvelle torture, tant à cause de la saleté, de l'inconvenance, de l'odeur, qu'à cause de la nécessité de se faire aider par quelqu'un. Mais justement, de ces ennuis si pénibles, survint pour Ivan Ilitch une consolation. C'était Gerasim, l'aide sommelier, qui était chargé de nettoyer son vase. Gerasim était un paysan propre, sain, bien nourri par ses maîtres. Il était toujours gai et content. D'abord, la vue de cet homme, toujours propre dans son costume russe, faisant une besogne aussi répugnante, gêna Ivan Ilitch. Un jour, s'étant relevé de son vase, il n'eut pas la force de tirer son pantalon et tomba sur un fauteuil. La vue de ses cuisses nues, amaigries, l'épouvanta. À ce moment, Gerasim, chaussé de bottes épaisses, entra de son pas léger, assuré, apportant avec lui une odeur agréable de goudron et d'air frais. Il avait un tablier propre, une chemise d'indienne dont les manches retroussées découvrait ses bras jeunes, robustes et nus, et sans regarder Ivan Ilitch, pour lui cacher la joie de vivre qui éclairait son visage et aurait pu attrister le malade, il s'approcha du vase. « Gerasim !» lui dit faiblement Ivan Ilitch. Gerasim tressaillit, craignant sans doute d'avoir commis quelque faute, et d'un mouvement rapide, il tourna vers le malade son bon visage, frais, naïf, jeune, presque encore imberbe. « Et que désire, monsieur ? Oh, je pense que cela t'est très désagréable. Excuse-moi, je ne puis faire autrement. »« Oh, monsieur !» fit Gerasim, dont les yeux brillèrent, tandis qu'un sourire découvrait ses fortes dents blanches. « Pourquoi ne prendrais-je pas cette peine ? Vous êtes malade ?» De ses mains droites et vigoureuses, il s'acquitta de sa besogne habituelle, puis sortit d'un pas léger. 5 minutes plus tard, il revenait du même pas. Ivan Ilitch était toujours assis sur son fauteuil. « Gerasim, lui dit-il, lorsque l'autre eut remis à sa place le vase lavé et bien propre, « aide-moi, je t'en prie, viens ici. » Gerasim s'approcha de lui. Soulève-moi, je peux pas tout seul, j'ai renvoyé Dmitri. Gerasim s'approcha, de ses mains robustes dont l'étreinte était aussi légère que son pas, il le releva doucement, retint d'une main son pantalon et voulut le rasseoir. Mais Ivan Ilitch lui demanda de le conduire jusqu'au divan. Gerasim, sans effort, sans avoir l'air d'y toucher, le porta jusqu'au divan où il le fit asseoir. « Oh, merci, comme tu fais cela adroitement, d'ailleurs comme tout ce que tu fais. » Gerasim sourit de nouveau et voulut s'en aller. Mais Ivan Ilitch se sentait si bien avec lui qu'il ne voulait pas le laisser partir. « Écoute-moi. « Approche cette chaise, s'il te plaît. Non, l'autre. Mets-la sous mes pieds. Je me sens mieux lorsque mes pieds sont soulevés. » Gerasim approcha la chaise et, sans bruit, mit dessus les pieds d'Ivan Ilitch. Ivan Ilitch se sentait soulagé quand Gerasim lui soulevait les pieds. « Je me sens mieux lorsque mes pieds sont soulevés, dit-il. Mets-moi ce coussin-là. » Gerasim obéit. Il souleva les pieds et mit le coussin. Ivan Ilitch se sentit de nouveau soulagé pendant que Gerasim tenait ses pieds. Aussitôt qu'ils furent abaissés, la douleur le reprit. « Gerasim, dit-il, es-tu occupé maintenant ?»« Oh, nullement, monsieur, répondit Gerasim, qui avait appris à parler au maître. « Qu'as-tu à faire encore ?»« Mais rien, j'ai tout terminé. Je n'ai plus qu'à fendre du bois pour demain. » « Alors, tiens-moi les pieds un peu plus haut, peux-tu ?»« Mais pourquoi pas, c'est très facile. » Gerasim souleva les pieds du malade, qui aussitôt ne sentit plus aucune douleur. « Et pour le bois, comment feras-tu ?»« Oh, ne vous inquiétez pas, nous avons le temps. » Ivan Ilitch lui dit de s'asseoir et de maintenir ses pieds, puis il se mit à causer avec lui. Et chose étrange, il lui sembla qu'il allait mieux quand Gerasim était avec lui. À partir de ce jour-là, Ivan Ilitch appelait de temps en temps Gerasim pour qu'il lui tînt les pieds sur ses épaules et il aimait à causer avec lui. Gerasim apportait à cela de l'adresse, de la complaisance et surtout une bonté qui attendrissait Ivan Ilitch. La santé, la force et la vigueur des autres offensaient Ivan Ilitch, mais la force et la vigueur de Gerasim, loin de l'irriter, le calmaient. Ce qui le tourmentait le plus, c'était le mensonge. Le mensonge de tous, qui s'accordaient à dire qu'il était simplement malade et non pas mourant, et qu'il n'avait qu'à être calme et continuer son traitement pour se remettre complètement. Mais il savait bien, lui, que tout ce que l'on entreprendrait n'aboutirait qu'à des souffrances encore plus douloureuses et à la mort. Ce mensonge le torturait, il souffrait de voir qu'on lui cachait ce que chacun savait et qu'il savait lui-même. Il souffrait de prendre part à ce mensonge, le mensonge à la veille de sa mort. Ce mensonge qui rabaissait l'acte redoutable et solennel de sa mort au même niveau que les visites, les rideaux, les esturgeons pour les dîners, faisait souffrir terriblement Ivan Ilitch. Et, chose étrange, bien souvent, quand ces gens lui mentaient ainsi en face, il était sur le point de leur crier « Mais assez mentir! Vous savez tout aussi bien que moi que je me meurs. Cessez au moins de mentir !» Mais il n'avait jamais eu le courage de dire cela. Cet acte ininterrompu et terrible qui l'approchait de la mort, il voyait que tous ceux de son entourage le considéraient comme un désagrément accidentel, comme une inconvenance, tel un homme qui, en entrant dans un salon, exhalerait autour de lui une mauvaise odeur. Toujours les apparences qui avaient été le culte de toute sa vie. Il voyait que personne ne le regrettait, que personne ne voulait même comprendre son état. Seul Gerasim le comprenait et avait pitié de lui. C'est pourquoi Ivan Ilitch ne se trouvait à son aise qu'avec lui. Il se sentait heureux lorsque, parfois, Gerasim passait des nuits entières à lui tenir les pieds, et lorsque, ne voulant pas aller se coucher, il lui disait « Oh, ne vous inquiétez pas, Ivan Ilitch, j'aurai bien le temps de dormir. » Ou bien, lorsque se mettant familièrement à tutoyer son maître, il ajoutait « Si t'étais pas malade, ce serait autre chose. Mais maintenant, pourquoi ne te soignerais-je pas ?» Gerasim seul ne mentait pas. On voyait clairement que lui seul comprenait l'état de son maître faible et mourant, et ne croyait pas nécessaire de le lui cacher, mais simplement avait pitié de lui. Une fois, il dit même tout tranquillement à Ivan Ilitch, qui insistait pour qu'il allât se reposer, « Mais nous mourrons tous, pourquoi ne prendrais-je pas de la peine ?» Voulant dire par là que la fatigue ne l'effrayait pas du moment qu'il s'agissait d'un mourant et qu'il espérait un jour qu'on en ferait autant pour lui. Outre ce mensonge, ce qui faisait surtout souffrir Ivan Ilitch, c'est que personne ne le plaignait comme il aurait voulu être plaint. Ce qu'il désirait le plus dans ses moments de souffrance, c'était, quoiqu'il eût honte de l'avouer, qu'on le plaignît comme un enfant malade. Il aurait voulu qu'on le caressât, qu'on l'embrassât, que l'on pleurât sur lui, comme on le fait avec les enfants. Il savait qu'avec lui, ô magistrat, barbe grisonnante, c'était impossible, mais il le désirait quand même. Dans la manière d'être de Guérassim à son égard, il y avait quelque chose d'approchant. C'est là ce qui le consolait. Au moment où Ivan Ilitch aurait voulu qu'on pleurât avec lui, tout à coup, survenait son collègue Chebec, et au lieu de pleurer, Ivan Ilitch prenait une mine grave, austère, pensive, puis, entraîné par la force de l'habitude, il émettait son opinion sur un arrêt de la Cour de cassation et la défendait opiniâtrement. Le mensonge qui l'enveloppait et le gagnait lui-même empoisonnait plus que tout le reste les derniers jours d'Ivan Ilitch. Chapitre 8. Il faisait déjà jour. C'était le jour puisque Gerasim venait de partir et qu'à sa place était entré le domestique Piotr qui avait éteint les bougies, ouvert les rideaux et s'était mis à arranger la chambre sans bruit. Était-ce le matin ou le soir, un vendredi ou un dimanche, cela importait peu car c'était toujours la même chose. La même douleur lancinante qui ne se calmait pas un instant, la conscience d'une vie qui s'en va irrémissiblement, mais qui est encore là, et toujours la mort, la seule réalité, effrayante et maudite, qui se rapproche, et toujours le même mensonge. Comment dans ces conditions se rendre compte des semaines et des jours et des heures de la journée ? « Monsieur, désire-t-il du thé ?»« Il aime la régularité, il a besoin que ses maîtres prennent du thé chaque matin, » pensa-t-il, et il répondit simplement « Non, non. Monsieur, désire-t-il s'asseoir sur le canapé ?»« Il a besoin d'arranger la chambre et je le gêne. Je suis une cause de désordre et de malpropreté, » pensa-t-il. Il répondit simplement « Non, laisse-moi. » Le domestique continua sa besogne. Ivan Ilitch étendit la main. Piotr s'approcha avec empressement. « Que désire, monsieur ?»« Ma montre. » Piotr prit la montre qui était à côté d'Ivan Ilitch et la lui donna. « Oh, il est 8h30, on n'est pas encore levé ?» « Ah non, Vassili Yavidovitch, c'était le fils, est déjà allé au collège. Praskovi Fedorovna a ordonné de la réveiller, si vous la demandez. Faut-il l'appeler ?»« Non, non, ce n'est pas nécessaire. »« Si je prenais du thé, » pensa-t-il. « Oui, du thé, apporte. » Piotr se dirigea vers la porte. Ivan Ilitch eut peur à l'idée de rester seul. Comment le retenir ? Ah, ah, oui, mon remède. Piotr, donne-moi mon médicament. Qui sait ? Peut-être me fera-t-il du bien ? Il prit la cuillère et but. Non, c'est inutile d'espérer encore. C'est une sottise, se dit-il, sentant dans sa bouche ce goût fade et désespérant qu'il connaissait. « Non, je ne puis plus croire. »« Mais la douleur, pourquoi cette douleur ? Si elle pouvait cesser au moins pour un moment ?» Et il se mit à geindre. Piotr revint. « Non, va, apporte-moi du thé. » Piotr sortit. Ivan Ilitch restait seul, se mit à gémir, et cela moins à cause de ses souffrances, malgré leur violence, que par angoisse. La même chose, toujours la même chose, ses nuits et ses journées interminables. Si tout cela pouvait finir plus tôt, mais quoi, plus tôt? La mort, les ténèbres, oh non, non, tout excepté la mort. Lorsque Piotr revint avec le thé sur le plateau, Ivan Ilitch, tout bouleversé, le regarda longtemps sans comprendre qui il était et ce qu'il voulait. Piotr se troubla sous ce regard. Ivan Ilitch remarqua ce trouble et revint à lui. « Ah oui, ah, le thé, eh bien, laisse-le ici. Aide-moi seulement à me lever et à mettre une chemise propre. » Ivan Ilitch se mit à faire sa toilette. En se reposant très souvent, il se lava les mains, la figure, les dents, se coiffa et se regarda dans le miroir. Il eut peur, surtout en voyant ses cheveux collés à son front pâle. Tandis qu'on lui changeait de chemise, il savait que sa terreur redoublerait s'il apercevait son corps amaigri aussi, fit-il en sorte de ne pas le regarder. Enfin, sa toilette se trouva achevée. Il passa une robe de chambre, s'enveloppa dans un plaid et s'assit dans son fauteuil pour prendre le thé. Il se sentit rafraîchi, mais aussitôt qu'il trembla ses lèvres dans le thé, le même goût, la même douleur reparurent. Il fit un effort pour finir son verre, puis se recoucha, les jambes étendues. Il renvoya Piotr. Et c'était toujours la même chose. C'était tantôt une lueur d'espérance, tantôt un abîme de désespoir, et toujours, toujours la même douleur, toujours la même tristesse, le même découragement. La solitude lui pesait effroyablement. Il aurait voulu appeler quelqu'un, mais il savait que devant quelqu'un, ce serait encore pire. Si encore m'injectait de la morphine pour oublier, je dirais au médecin de m'inventer encore quelques remèdes. Oh, il est impossible, impossible que cela dure ainsi. Une heure, deux heures s'écoulent. La sonnette retentit. C'est peut-être le médecin. En effet, c'est lui, frais, fleuri, gras, gai, qui semble dire « Vous avez tort d'avoir peur, nous arrangerons tout cela. » Le médecin sait lui-même que cette expression n'est pas de mise ici, mais il l'a prise une fois pour toutes. Il lui est aussi impossible de s'en défaire qu'il serait impossible à un monsieur qui, dès le matin, a mis son habit pour faire des visites, de s'en débarrasser. Le médecin se frotta joyeusement les mains pour rassurer son malade. « Oh, je vous apporte le froid, il gèle très fort. Laissez-moi me réchauffer un peu, » dit-il d'un ton qui signifiait clairement qu'il n'y avait que cela à attendre pour que tout allât bien. « Eh bien, alors comment cela va-t-il ? » Ivan Ilitch, sans que le médecin voudrait lui demander si tout va son petit train-train, mais qu'il trouve lui-même cette question déplacée et qu'au lieu de cela, il demande au malade comment il a passé la nuit. Ivan Ilitch jette au médecin un coup d'œil interrogateur. « Ne cesseras-tu donc jamais de mentir ainsi ?» semble vouloir dire son regard. Mais le médecin ne veut pas comprendre la question. Et Ivan Ilitch lui dit « Ah, tout cela est effrayant, la douleur ne disparaît pas, ne cède pas, pouvez-vous me donner quelque chose ?» Voilà bien les malades, tous les mêmes. Maintenant, me voilà réchauffé. Alors, même Praskovi Pérodorovna, toute méticuleuse qu'elle soit, n'aurait rien à redire et ne craindrait pas que je vous refroidisse. Eh bien, bonjour. Et le docteur lui serre la main. Tout à coup devenu sérieux, l'air grave, il se met à examiner le malade, son pouls, la température, et l'auscultation recommence. Ivan Ilitch sait très bien que ce n'est là que comédie et mensonge, Mais lorsque le médecin agenouillé se penche sur lui, appliquant son oreille tantôt en haut, tantôt en bas, et exécute autour de lui, d'un air sérieux, différentes évolutions gymnastiques, il s'y laisse prendre comme autrefois, lorsqu'il écoutait les plaidoiries des avocats, tout en étant persuadé qu'il cherchait à lui en imposer et ne disait que des mensonges. Le médecin, toujours à genoux sur le divan, continuait à l'ausculter, lorsqu'on entendit à la porte le froufrou de la robe de soie de Praskovya Fedorovna et les reproches qu'elle adressait à Piotr parce que celui-ci ne l'avait pas prévenu de l'arrivée du docteur. Elle entre, embrasse son mari et se met à expliquer longuement qu'elle est levée depuis longtemps et que si elle ne s'est pas trouvée là pour l'arrivée du médecin, c'est qu'elle ne l'a pas entendu venir. Ivan Ilitch l'examine, l'observe. Intérieurement, il lui reproche son teint clair, la blancheur de ses mains, son cou potelé, le brillant de sa chevelure, l'éclat de ses yeux pleins de vie. Il la déteste de toutes les forces de son âme. À son contact, la haine qu'il ressent pour elle atteint au paroxysme. L'attitude de Praskovya Fedorovna à l'égard de son mari et de sa maladie n'avait pas changé. De même que le médecin avait adopté vis-à-vis de ses malades une manière d'être qu'il ne pouvait plus modifier, de même elle s'était imposé une attitude. Quoi qu'il fît, il avait tort, et elle le lui reprochait amicalement. Et cette attitude de Praskovya Fedorovna ne pouvait plus s'en dégager. « Que voulez-vous, il n'écoute personne, il ne prend pas ses médicaments avec exactitude. Surtout, il affectionne une posture qui doit lui faire du mal. » Il tient ses pieds en l'air. » Et elle raconta qu'il obligeait Gerasim à lui maintenir les jambes levées. Le docteur eut un sourire de bienveillant mépris. « Que voulez-vous faire ? » semble-t-il dire. « Les malades ont toujours des idées si bizarres. Mais il faut leur passer cela. » L'examen terminé, le médecin regarda sa montre. Aussitôt, Praskovya Fedorovna déclara à Ivan Ilitch qu'elle allait aujourd'hui même, qu'il le voulût ou non, envoyer chercher une célébrité médicale pour une consultation avec Mikhail Davidovitch. C'était le médecin de la maison. « Oh, ne t'y oppose pas, je t'en prie. C'est pour moi, » ajouta-t-elle ironiquement, lui donnant à entendre qu'elle n'agissait au contraire que pour lui et qu'il n'avait pas le droit de s'opposer à ce qu'elle voulait. Il garda le silence et fronça les sourcils. Il sentait que ce mensonge dont on l'enveloppait compliquait tellement qu'il devenait impossible de s'y retrouver. Tout ce qu'elle faisait, c'était dans son intérêt à elle. Ce qu'en réalité elle faisait pour elle-même, elle disait bien le faire pour elle-même, mais elle disait cela d'un ton à lui faire croire à lui que c'était le contraire qui était vrai. Vers 11h30, le célèbre docteur arriva. Les auscultations recommencèrent, de graves conciliabules s'engagèrent devant le malade et dans la chambre voisine à propos du rein, de l'intestin, et cela avec un tel air d'importance que de nouveau, au lieu de la question de vie et de mort, la seule importante parut celle des organes qu'on accusa de ne pas fonctionner comme il faut. Mais Mikhail Danilovitch et la célébrité allaient voir à cela et forcer les organes réfractaires à rentrer dans le devoir. Le célèbre médecin se retira avec une mine sérieuse mais non décourageante. Lorsqu'Ivan Ilitch, les yeux brillants de crainte et d'espoir, lui demanda s'il y avait chance de guérison, il répondit qu'on ne pouvait rien affirmer, mais qu'il y avait des chances. Il y avait quelque chose de tellement pitoyable dans le regard d'espérance qu'Ivan Ilitch lança au médecin que Praskovya Fedorovna ne put retenir ses larmes en sortant du cabinet pour remettre ses honoraires au célèbre docteur. La confiance inspirée par les paroles du médecin ne fut pas de longue durée. quand il se retrouva seul dans la même chambre, avec les mêmes tableaux, les mêmes rideaux et tentures, les mêmes flacons, et son corps malade, endolori, Ivan Ilitch se remit à geindre. On lui fit une piqûre qui le plongea dans un état d'inconscience. Lorsqu'il revint à lui, il commençait à faire sombre. On lui servit à dîner, il prit avec effort un peu de bouillon, et de nouveau la nuit revenait. À 7 heures après le dîner, Praskovi Fedorovna entra dans sa chambre, habillée pour une soirée, sa forte poitrine relevée sanglée dans son corset, et de la poudre de riz sur le visage. Dès le matin, elle l'avait prévenu de leur intention d'aller au théâtre. Sarah Bernard venait d'arriver. Elle avait une loge. Ivan Ilitch lui-même avait insisté pour qu'on la prît, mais il l'avait oublié et cette toilette le choqua. Cependant, il n'en laissa rien voir, s'étant souvenu que lui-même avait exigé qu'elle louât une loge, car c'était pour les enfants un plaisir à la fois esthétique et instructif. Praskovi Fedorovna, en entrant, était contente d'elle, mais elle s'assit, l'air embarrassé, et lui demanda des nouvelles de sa santé, plutôt pour dire quelque chose, ce dont il se rendait parfaitement compte, que pour apprendre du nouveau. Que pouvait-il lui apprendre? Elle le dit ce qu'il convenait, c'est-à-dire que pour rien au monde elle ne serait allée au théâtre ce soir, si elle n'avait pas eu déjà la loge et si elle pouvait laisser sortir seule sa fille Lise et son fiancé Pietrichev. Elle aurait préféré, disait-elle, lui tenir compagnie et elle le supplia de suivre au moins en son absence les prescriptions du docteur. À propos, Fedor Petrovitch, le fiancé, voudrait te voir et Lise aussi. Qu'ils viennent. Sa fille entra, habillée pour la soirée, montrant ses épaules décolletées, son jeune corps à demi nu, tandis que son corps à lui le faisait tant souffrir. Grande, bien portante, visiblement amoureuse, elle semblait s'irriter contre la maladie, les souffrances et la mort qui mettaient un obstacle à son bonheur. Pietrichev entra aussi. Il était en habit, coiffé à la capoule. Son long cou veineux était serré dans un col d'une blancheur éblouissante. Il avait un large plastron blanc, un pantalon noir collant qui moulait ses fortes cuisses, une seule main gantée de blanc et un claque. Derrière eux se glissa tout doucement le petit collégien en uniforme tout neuf, ganté, l'air malheureux et les yeux entourés d'un cercle noir dont Ivan Ilitch connaissait la signification. Il ressentait toujours de la pitié pour son fils, dont le regard effrayé et compatissant lui faisait du bien. En dehors de Gerasim, il lui semblait que Vassia seul le comprenait et le plaignait. Tous s'assirent et s'informèrent encore de sa santé. Un silence suivit. Lise demanda à sa mère où était la jumelle. Une discussion s'engagea, elle s'accusait mutuellement de l'avoir égarée. Fyodor Petrovitch demanda à Ivan Ilitch s'il avait déjà vu Sarah Bernard. D'abord, Ivan Ilitch ne comprit pas sa question, puis enfin il répondit « Oh non, non, non, et vous, l'avez-vous déjà vu ?»« Oui, dans Adrienne le couvreur. » Praskovi Fedorovna déclara qu'elle la trouvait bien, surtout dans de tels rôles. La fille n'était pas de son avis, et l'on se mit à discuter sur le charme et la vérité de son jeu, et ce furent les propos habituels en pareille occasion. Au lieu de la conversation, Fyodor Petrovitch jeta un regard sur Ivan Ilitch et se tut. Les autres le regardèrent aussi et se turent également. Ivan Ilitch, les yeux brillants, paraissait indigné contre eux. Ils auraient bien voulu réparer leur maladresse, mais comment faire? Il fallait rompre à tout prix ce silence. Personne ne s'y décidait. Tous se sentaient effrayés à l'idée que ce mensonge tacite allait se dissiper et que la vérité finirait par éclater. Lise se dévoila première. Elle voulait cacher ce que chacun sentait et ne fit que tout découvrir. Si nous voulons arriver à temps, il faut partir, dit-elle en regardant sa montre, un cadeau de son père. Puis elle fit au jeune homme un signe imperceptible et compris d'eux seuls, sourit et se leva en faisant froufrouter sa robe. Tous se levèrent, dirent adieu et sortirent. Resté seul, Ivan Ilitch eut un moment de soulagement. Le mensonge était parti avec eux, mais la douleur restait. Toujours la même douleur, toujours le même effroi, jamais de repos. De nouveau, les minutes, les heures s'écoulaient sans apporter de changement. Toujours la même chose et toujours la certitude de plus en plus atroce de l'inévitable dénouement. « Envoyez-moi Gerasim, » répondit-il à la question de Piotr. Chapitre 9. Assez tard dans la nuit, sa femme rentra. Elle s'approcha de lui sur la pointe des pieds, mais il l'entendit. Il ouvrit les yeux et les referma immédiatement. Elle voulut revoir, envoyer Gerasim éveillé à sa place. Il rouvrit les yeux et murmura « Non, tu peux t'en aller. » « Souffres-tu beaucoup ? » ?»« Oh, qu'importe. Prends de l'opium. » Il y consentit et lui en fit prendre et partit. Jusqu'à 3 heures du matin, il resta dans un état de torpeur douloureuse et rêva qu'on le mettait violemment dans un sac noir, étroit et profond, où l'on cherchait à l'enfoncer sans y parvenir. Et cette chose effroyable pour lui était accompagnée d'une autre torture. Il avait peur, il voulait y entrer lui-même, cependant il résistait et en luttant s'enfonçait toujours davantage. Soudain il se dégage et tombe. Il se réveilla. Gerasim, toujours au pied du lit, doux, patient, s'était assoupi. Et lui est là, ses pieds amaigris, en chaussettes, appuyés sur ses épaules, et toujours la même bougie avec un abat-jour, et toujours cette douleur interminable. « Va-t'en, Gerasim, » murmura-t-il. « Mais qu'est-ce que cela fait? Je vais rester. Non, va-t'en. » Il descendit ses pieds des épaules de Gerasim, se coucha sur le côté, la main sous sa joue, et fut pris de pitié pour soi-même. À peine Gerasim était-il passé dans la pièce voisine que, ne se contenant plus, il se mit à sangloter comme un enfant. Il pleurait sa situation désespérée, son affreuse solitude, la cruauté des hommes, la cruauté de Dieu, l'absence de Dieu. Pourquoi as-tu fait tout cela? Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Pourquoi? Pourquoi me tourmentes-tu si atrocement? Il n'attendait point de réponse et en même temps se désespérait de n'en pouvoir obtenir. Sa douleur devint plus aiguë, mais il ne fit aucun mouvement, n'appela personne. Il se répétait « Eh bien, encore, eh bien, frappe! Mais pourquoi? Que t'ai-je fait? Pourquoi ?» Puis il se tut. Il suspendit non seulement ses larmes, mais sa respiration même, et devint tout attentif. Il semblait écouter non pas une voix terrestre, mais la voix de l'âme et suivre les pensées qu'elle exprimait. « Que veux-tu ? » semblait dire la voix intérieure. « Que veux-tu, que veux-tu? se répétait-il à lui-même, ce que je veux, mais ne plus souffrir, vivre, répondit-il. De nouveau, il entendit son attention au point qu'il en oubliait sa douleur. Vivre et vivre comment ? Reprit la voix. Mais vivre comme je vivais auparavant, bien agréablement. Aussi bien et agréablement que tu as vécu jusqu'à présent ? Redemanda la voix. Et il se mit à se rappeler les meilleurs moments de sa vie agréable. Mais, chose étrange, ces moments, il les voyait maintenant d'un tout autre œil qu'alors, tous, excepté ses premiers souvenirs d'enfance. Dans son enfance, il retrouvait quelque chose de vraiment bon, dont le retour embellirait la vie. Mais l'homme, qui avait eu une vie agréable, facile, cet homme n'existait plus, il n'était plus qu'un souvenir. Aussitôt qu'il arrivait à cette période de sa vie qui avait fait de lui ce qu'il était actuellement, toutes ses joies de jadis s'évanouissaient, se transformaient en quelque chose de pénible et de vide. Plus il s'éloignait de l'enfance et s'approchait du présent, plus les joies paraissaient insignifiantes et douteuses. Cela commençait à l'école de droit. Là, il y eut encore quelque chose de vraiment bon, la gaieté, l'amitié, l'espérance. Mais dès les classes supérieures, ces bons moments devenaient plus rares. Plus tard, du temps de son service chez le gouverneur, il y eut encore quelques moments purs, son affection pour une femme. Puis tout s'embrouillait, le nombre des moments heureux allait diminuant, et plus il avançait dans la vie, moins il y en avait. Son mariage, un hasard gros de désillusion. L'haleine désagréable de sa femme, la sensualité, l'hypocrisie. Puis cette carrière morne, les soucis d'argent, et ainsi une année, deux, 10, 20, et toujours la même chose. Et plus le temps passait, plus sa vie était vide. C'est comme si j'avais descendu une montagne au lieu de la monter. Ce fut bien ainsi. Selon l'opinion publique, je montais, mais en réalité, la vie glissait sous moi. Et me voilà arrivé au terme. Meurs. Mais qu'est-ce donc ? Pourquoi ? Non, ce n'est pas possible que la vie soit si insignifiante, si vilaine. Si elle est en effet si vilaine, si absurde, pourquoi mourir et mourir en souffrant ? Ah, il y a là quelque chose que je ne m'explique pas. Peut-être n'ai-je pas vécu comme on doit vivre ? Se demanda-t-il tout d'un coup. Mais comment cela serait-il possible ? Puisque j'ai toujours fait ce que je voyais être mon devoir, se répondit-il. Et aussitôt il chercha à repousser par cet argument l'énigme de la vie et de la mort comme quelque chose d'absolument impossible. Que veux-tu maintenant vivre ? Vivre comme tu as vécu, étant juge, lorsque l'huissier annonçait « la cour », se répéta-t-il. « La voilà, la cour. Mais je ne suis pas coupable !» s'écria-t-il avec colère. « Mais pourquoi ?» Il cessa de pleurer, tourna son visage vers le mur, l'esprit obsédé par cette unique pensée. « Mais pourquoi ? Pourquoi tant d'horreur ?» Mais il avait beau y réfléchir, il ne trouvait aucune réponse. Et quand l'idée qu'il n'avait pas vécu comme on doit vivre se dressait devant lui, il chassait cette idée bizarre, en se rappelant aussitôt la parfaite correction de sa vie. Chapitre 10. Deux semaines s'écoulèrent encore. Ivan Ilitch ne quittait plus son divan. Il ne voulait pas se mettre au lit, et restait couché sur le divan. Presque toujours, le visage tourné vers le mur, seul il s'abandonnait à ses douloureuses et insolubles pensées. Mais qu'es-tu donc? Es-tu véritablement la mort? Et la voix intérieure lui répondait. Oui, c'est elle. Mais pourquoi ces souffrances? Ben, comme cela, sans raison aucune. C'est tout ce qu'il pouvait obtenir. Depuis le début de sa maladie jusqu'à sa première visite chez le médecin, deux états d'âme différents s'étaient partagés la vie d'Ilan Udjic. C'était tantôt le désespoir, l'appréhension de cette chose terrible et mystérieuse, la mort, tantôt l'espérance et l'attachante étude de ses fonctions organiques. Tantôt il avait devant les yeux le rein et l'intestin qui pour un moment se montraient indociles, tantôt c'était la mort, terrifiante et mystérieuse, qui se dressait devant lui et remplissait sa pensée. Les premiers temps, ces deux impressions se succédaient, mais plus la maladie s'aggravait, plus ses préoccupations sur le rein disparaissaient, et plus l'appréhension de la mort prochaine devenait vive. Il lui suffisait de penser à ce qu'il était 3 mois auparavant, de comparer ce qu'il était alors avec ce qu'il était maintenant, de se rappeler comment il avait descendu la pente pour que toute lueur d'espoir s'évanouît. Dans les derniers temps, le visage tourné vers le dossier du divan, il vivait tellement seul au milieu d'une cité populeuse, de ses nombreux amis, de sa famille, que nulle part, ni sous la terre, ni au fond de la mer, on aurait pu trouver une solitude aussi complète. Et dans cette solitude, Ivan Ilitch ne vivait plus que de souvenirs. L'un après l'autre, les tableaux de sa vie passée se dressaient devant lui. C'était d'abord les années les plus récentes, puis peu à peu les jours les plus lointains de son enfance. Les pruneaux qu'on venait de lui servir lui rappelaient les pruneaux français qu'il mangeait dans son enfance avec leur goût particulier et la salivation abondante lorsqu'on arrivait au noyau. Ces réminiscences du goût évoquaient toute une série d'images de ce temps-là, sa bonne, son frère, ses joujoux. Oh, il ne faut plus penser à ces choses-là, c'est trop pénible, se disait Ivan Ilitch, et il se transportait dans le présent. Les boutons de dossier du divan et les plis du maroquin. Oh, ce maroquin coûtait très cher et ne vaut rien. Il y a eu une discussion à ce propos. Je me rappelle encore un autre maroquin et une autre discussion. Le portefeuille de père que nous avions déchiré et la punition que cela nous valut. Et maman nous apporta du gâteau. De nouveau, il s'abandonne aux souvenirs de son enfance et de nouveau, il se sent péniblement affecté et s'efforce d'écarter ses souvenirs et de penser à autre chose. Ses souvenirs en éveillaient d'autres en lui, la marche progressive de sa maladie. Là aussi, plus il regardait en arrière, plus il trouvait de vie et de bonheur. Alors le bonheur et la vie ne faisaient qu'un. De même que mes souffrances, ma vie n'a fait qu'empirer de jour en jour. Là-bas, tout au commencement de la vie, un point lumineux, et puis toujours plus noir, toujours plus noir, toujours plus vite, toujours plus vite. C'est en raison inverse du carré des distances de la mort, pensait Ivan Ilitch. Et l'image de la pierre tombant avec une vitesse de plus en plus grande se gravait dans son âme. Sa vie, cet enchaînement de souffrances, se précipite de plus en plus rapidement vers sa fin, la suprême souffrance. Je me précipite. Il tressaille, s'agite, veut résister, mais il sait que la lutte est inutile, et de ses yeux fatigués qui ne peuvent plus voir ce qui est devant lui, il regarde le dossier du divan, attendant cette chute terrible, ce choc, cette destruction. Il est inutile de lutter, se disait-il, mais au moins si je pouvais comprendre pourquoi tous ces tourments, je pourrais me les expliquer si ma vie n'avait pas été ce qu'elle devait être. Mais cela n'est pas, se disait-il, en songeant à l'équité, à la correction, à la propreté de sa vie. Cela n'est pas, continuait-il en souriant, comme si quelqu'un était là pour voir ce sourire et s'y laisser prendre. Non, il n'est point d'explication possible. Les tourments, la mort, pourquoi ? Chapitre 11. Deux semaines s'écoulèrent ainsi. Pendant ce temps s'accomplit l'événement désiré par Ivan Ilitch et sa femme. Pietrichev se déclara. Cela eut lieu un soir. Le lendemain, Praskovie Fedorovna entra chez son mari en cherchant le moyen de lui annoncer cette nouvelle. Mais précisément cette nuit, l'état du malade avait empiré. Sa femme le trouva comme toujours sur le divan, mais dans une nouvelle position. Il était étendu sur le dos, le regard fixe, et gémissait. Elle essaya de lui parler de ses médicaments. Il porta son regard sur elle. Elle n'acheva pas, tant ce regard était chargé de haine. « Oh, au nom du Christ, laisse-moi mourir en paix, » dit-il. Elle voulut sortir, mais à ce moment entra leur fille, qui venait dire bonjour à son père. Il la regarda avec la même haine, et quand elle lui demandait des nouvelles de sa santé, il lui répondit d'un ton sec que bientôt il les débarrasserait de sa présence. Elles se turent, restèrent encore un peu et s'en allèrent. « Mais en quoi sommes-nous coupables ?» dit Lise à sa mère. « Ce n'est pourtant pas nous qui l'avons rendu malade. Je plains beaucoup papa, mais pourquoi nous tourmente-t-il ainsi ?» Le médecin vint à l'heure habituelle. Ivan Ilitch s'obstina de ne lui répondre que par oui et non, et en gardant son expression de haine. À la fin, ne pouvant plus se maîtriser, il lui dit « Vous savez bien vous-même que vous ne pouvez rien faire pour moi. Laissez-moi donc tranquille, au moins. » « Nous pouvons soulager vos souffrances, » dit le médecin. « Vous ne pouvez pas me soulager, laissez-moi !» Le médecin sortit, alla au salon et déclara à Praskovie Fedorovna que son mari allait très mal et que le seul moyen d'apaiser ses souffrances, qui devait être atroce, c'était de lui administrer de l'opium. Le docteur avait raison de dire que les souffrances physiques d'Ivan Ilitch étaient intolérables. C'était vrai. Mais ses souffrances morales étaient bien plus terribles encore. En elles était sa principale torture. Ses souffrances morales provenaient d'une idée qu'il avait eue cette nuit en examinant le visage ensoleillé et bonasse aux pommettes saillantes de Gerasim. Qu'arrivera-t-il si toute ma vie consciente, n'a pas été ce qu'elle devait être? Il se mit à songer que cette hypothèse, jugée d'abord par lui inadmissible, pouvait bien être la vérité, et que sa vie n'était peut-être pas exempte de reproches. Il se rappela ses rares moments de révolte contre ce que la haute société approuvait. Ces moments de révolte qu'il refrénait bien vite étaient peut-être les seuls bons moments de sa vie, alors que tout le reste était vilaini. Et son service et l'organisation de sa vie, sa famille, ses intérêts mondains et professionnels, qui avait-il eu de bon dans tout cela? Il essaya de défendre son existence passée, mais il sentit lui-même la faiblesse de ses arguments. Il n'avait rien à défendre. Et si c'est ainsi, se dit-il, si je m'en vais avec la ferme conviction d'avoir perdu sans aucun recours tout ce qui m'avait été donné, alors que faire? Il se mit sur le dos et se remémora sa vie entière. Le lendemain matin, quand il vit son domestique, puis sa femme, sa fille, le médecin, chacun de leurs mouvements, chacune de leurs paroles, le confirma dans cette terrible réalité qui lui était apparue cette nuit. Il se reconnut en eux. Il vit clairement que tout ce qui avait composé sa vie n'était qu'un effroyable, un énorme mensonge qui dissimulait la vie et la mort. Cette conviction ne fit qu'augmenter, décupler ses souffrances physiques. Il se mit à gémir, à s'agiter, à arracher ses vêtements qui l'étouffaient. Voilà donc pourquoi il les haïssait tous. On lui administra une forte dose d'opium. Il se calma. Mais à l'heure du dîner, les douleurs recommencèrent. Il ne permettait à personne de s'approcher de lui et se démenait furieusement. Cependant, sa femme s'approcha et lui dit « Jean, mon ami, fais cela pour moi, pour moi. Cela ne peut te faire de mal. » Et cela se lâche souvent. C'est peu de chose. Les personnes bien portantes le font aussi. Il ouvrit les yeux démesurément. Quoi? L'extrême onction? Mais pourquoi? Non, je ne veux pas. Cependant, elle fondit en larmes. Oui, mon ami, je vais appeler notre prêtre. Il est si charmant. « Oh, c'est parfait, c'est bien, » fit-il. Le prêtre vint, administra le malade qui se calma, sentit diminuer ses doutes et par suite ses souffrances. Il eut même une lueur d'espoir. Il se mit de nouveau à songer à son intestin et à la possibilité de guérir. Il communia avec des larmes dans les yeux. Lorsqu'après la cérémonie on le recoucha, au premier moment il se sentit mieux et se reprit à espérer. Il se mit à entrevoir la possibilité de l'opération qu'on lui proposait. « je veux vivre !» se disait-il. Sa femme vint le féliciter, elle prononça les paroles d'usage en pareil cas et ajouta « N'est-ce pas que tu te sens mieux ?» Sans la regarder, il lui répondit « Oui. » Son costume, son attitude, l'expression de son visage, tout lui criait. Ce n'est pas cela. Tout ce qui remplissait la vie d'autrefois et ta vie présente n'est que mensonge, que dissimulation qui cache à tes yeux la vie et la mort. À cette pensée, sa haine se ranima, et avec elle ses souffrances physiques et la certitude d'une mort prochaine, inévitable. Quelque chose de nouveau se produisit en lui. C'était comme si une vis lui eût troué le corps, comme si des coups de fusil lui eussent déchiqueté les entrailles. La respiration lui manqua. L'expression de son visage, lorsqu'il avait répondu « oui » à sa femme, était vraiment terrible. Aussitôt qu'il eut prononcé ce « oui », en regardant sa femme bien en face, il se retourna avec une force extraordinaire pour un homme aussi faible, et il s'écria « Allez-vous-en! Allez-vous-en, laissez-moi !» Chapitre 12. Dès ce moment commencèrent ces cris effrayants qui continuèrent pendant 3 jours, qu'on entendait à travers 2 pièces et qui remplissaient l'âme de terreur. Au moment même où il répondait à sa femme, il avait compris qu'il était perdu, qu'il n'y avait plus d'espoir, que cette fois c'était la fin et que le problème de la vie restait insoluble. « Ah ah !» criait-il sur toutes sortes d'intonations. Il commençait par crier « « Je ne veux pas !» et son cri « Ah !» continuait le son final de cette phrase. Pendant 3 jours, il cria ainsi. Il se débattait dans ce sac noir où le poussait une force invincible et invisible. Il se débattait comme se débat un condamné à mort entre les mains du bourreau, bien qu'il sache qu'il ne peut échapper au supplice. Et en dépit de ses efforts désespérés, il se sentait emporté de plus en plus vers ce qui le terrifiait. Il sentait que ses souffrances provenaient de ce qu'il s'enfonçait dans ce trou noir et n'y pouvait pénétrer tout entier. Ce qui l'empêchait d'y entrer, c'est l'idée que sa vie n'avait pas été mauvaise. Cette justification de sa vie le retenait, le tirait en arrière et le tourmentait le plus. Tout à coup, une force quelconque le frappa dans la poitrine et le côté. Il suffoqua. Il était précipité dans le trou noir et là, au fond, quelque chose brillait. Il éprouvait ce qu'on éprouve parfois en chemin de fer, quand on croit avancer tandis qu'on recule et que tout à coup on s'aperçoit de son erreur. « Oui, ce n'était pas cela, se dit-il, mais cela ne fait rien. » On peut encore réparer cela. Quoi, cela ? Se demanda-t-il. Et soudain, il se calma. C'était à la fin de la 3e journée, 2 heures avant sa mort. À ce moment, le petit collégien se glissa doucement dans la chambre de son père et s'approcha du lit. Le mourant continuait à crier en agitant les bras. Sa main rencontra par hasard la tête de son fils. Le petit collégien la saisit et la baisa en sanglotant. C'était juste au moment où Ivan Ivilitch, précipité dans le trou noir, voyait le point lumineux et comprenait que sa vie n'avait pas été ce qu'elle devait être, mais qu'il pouvait encore réparer cela. Il se demandait « Mais quoi, cela ?» et attendait. Quand il se sentit baiser la main, il ouvrit les yeux et aperçut son fils. Il s'attendrit. À ce moment, sa femme s'approcha. Il jeta les yeux sur elle. La bouche ouverte, le visage couvert de larmes, elle le regardait. Il eut pitié d'elle. « Oui, je les torture, pensa-t-il. Cela leur fait de la peine. Oh, il vaut mieux pour eux que je parte. » Il voulut leur dire cela, mais il n'en eut pas la force. « À quoi bon parler ? Il faut mieux le faire, » pensa-t-il. Il montra des yeux son fils à sa femme et dit « Ah, j'ai pitié, et de toi aussi. » Il voulut ajouter « Pardonne, Prosti », mais il dit « Passé, Propusti ». Mais n'ayant pas la force de se reprendre, il laissa tomber sa main avec découragement, sûr d'être compris par qui de droit. Soudain, le problème qui l'obsédait s'éclaira des deux côtés, de 10 côtés, sur toutes ses faces. « J'ai pitié d'eux. » Je voudrais les voir moins souffrir, les délivrer de moi, me délivrer moi-même de ces souffrances. Comme c'est bien et comme c'est simple, pensa-t-il. Et mon mal, où est-il? Où es-tu, mon mal? Il devint toute attention. Ah, le voilà. Eh bien, tant pis. Et la mort, où est-elle? Il chercha sa peur accoutumée et ne la trouva pas. Mais où est-elle, la mort ? Il n'avait plus peur, car il n'y avait plus de mort. Au lieu de la mort, il voyait la lumière. Ah ! Voilà donc ce que c'est ! Prononça-t-il à haute voix. Mais quelle joie ! Tout cela ne dura qu'un instant. Mais l'importance de cet instant fut définitive. Pour son entourage, son agonie se prolongea encore 2 heures. Quelque chose râlait dans sa poitrine, son corps ruiné tressautait. Puis peu à peu, le râle et les secousses diminuèrent. « C'est fini !» dit quelqu'un derrière son chevet. Il entendit ces paroles et se les répéta. « Fini la mort ! La mort n'existe plus !» se dit-il. Il fit un mouvement d'aspiration qui demeura inachevé, se raidit et mourut. 22 mars 1886.